Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, une émission que l'on fait en direct ce soir, en direct des studios de Radio Béton sur les ondes du 93.6. On est ensemble pendant deux grosses heures et demie à peu près, l'occasion ce soir de célébrer la 500e émission Hellbanger, pour rappel l'émission qui a vu le jour en janvier 2010. Voilà, on a donc attaqué notre 14e année il y a quoi, il y a 3 semaines maintenant, enfin il y a 2 semaines, pardon, voilà, je m'embrouille déjà dans les comptages. Voilà, toujours autant la même passion, plein de choses se sont passées ces dernières années. Le Covid nous a mis un sacré coup dans les genoux, on a trouvé la parade, on en a même profité pour intégrer un copain, Thibaut, à qui on fait un gros béco sur le crâne, parce qu'il n'est pas avec nous ce soir pour cause de voyage. Voilà, et ben tu rates la 500e, tant pis pour toi mon gars. Et puis voilà, donc on s'était dit qu'on ferait quand même une 500e en direct, donc on a prévu un contenu un peu spécial pour ce soir. Et toujours cependant une grosse part de diffusion musicale, avec somme toute quelques nouveautés à s'écouter ici et là tout au long de l'émission. On a les Brutas Chiliennes de Esophagus, on a les Allemands de I Am Revenge, les Français de Limb. Oh là là, quel tocard. Ouais, la fatigue est bien présente, je pense que vous en rendrez compte rapidement tout au long de l'émission. Et quelques autres nouveautés qu'on vous réserve pour la diffusion de l'émission. On attaque tout de suite avec les vétérans ricains du Stomp Death Obituary, le groupe floridien qui nous sort un énième album studio, Dying of Everything. Encore un album Obituary classique, mais classiquement efficace, toujours bien qualitatif ce que nous sortent les floridiens, toujours sur le label Relapse Record. En doublette avec Obituary, un nouveau titre du nouvel album des Islandais de Myspermming, le groupe de black metal qui nous sort là son troisième effort studio Made Amri, du black islandais, hein, toujours cette patte identifiable, hein, la scène a littéralement explosé ces 10-12 dernières années. On s'écouterait le titre Engine Minskun pour Myspermming, et en ouverture pour l'émission de ce soir, pour la 500e, Dying of Everything, le titre de l'album du nouvel effort studio de Obituary. C'est parti et bienvenue à toutes et à tous. On continue la diff de l'émission d'aujourd'hui. On vous parlera des petites spécificités de l'émission de ce soir tout à l'heure. Hein, on a un petit peu de temps encore devant nous. Doublette suivante, une doublette américaine. Bloodclot enchaîné à The Otolith. Tout d'abord, Bloodclot, c'est un super groupe. Formation All-Star Band du hardcore metalcore old school. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, vraiment du tout début de la scène punk hardcore, hardcore metal ricaine. Made in New York, hein, bien sûr, puisque nous avons dedans des membres, ex-membres de Cro-Mags, Madball et Sick of It All. Voilà, en toute fin d'année dernière, bon, on a manqué de temps pour vous le diffuser, ils ont sorti un EP qu'on vous balance du coup maintenant. 7 titres pour 20 minutes. Et en fait, nous, c'est vrai que c'est un petit peu une découverte ce groupe. Mais Bloodclot a déjà sorti 2 albums. Et le dernier date de 2017. Voilà, donc au niveau musical, c'est sur un crossover de ces 3 groupes-là. C'est même assez slayerien pour certains titres. Et l'EP est vraiment cool. Il n'y a que le premier titre auquel je suis passé complètement à côté, ce que je trouve juste merdique. Voilà, donc pour Bloodclot. Et ensuite, The Otolith, c'est un groupe qui nous vient de Salt Lake City et formé par 4 anciens membres de Sub Rosa. Donc ça, vous avez déjà eu la présentation la semaine dernière, donc musicalement ça reste assez dans la même veine. On retrouve notamment 2 violonistes et 3 vocalistes. On a une musique assez riche dans son ensemble, avec des morceaux assez longs, hein, rien en dessous de 9 minutes. Donc là, on est de nouveau sur un morceau édité. Et pour rappel, vous pouvez vous écouter les titres en entier à partir du lundi soir via nos podcasts. Sachez que maintenant, les podcasts sont également dispo via à peu près toutes les plateformes de streaming connues. Et sinon, bien sûr, écoutez l'album par vos propres moyens. Et encore mieux, vous pouvez vous le procurer. Bloodclot, l'EP s'intitule sobrement Souls. On va s'écouter le titre War Castle. The Otolith, le titre du coup en version réduite, Ekpyrotic, extrait de l'album Folium Limina. C'est déjà dispo pour ces deux-là. Et c'est parti. You can't run and hide. desert night, we are. 20h30 à la pendule de Radio Béton, vous êtes bien à l'écoute d'Elbanger. On a démarré un peu plus tôt ce soir pour une émission en direct. La 500e émission de l'histoire d'Elbanger, en presque 14 ans de service. C'est pas prévu que ça s'arrête tout de suite d'ailleurs. Doublette suivante, 8 Forest, Arayan Path. On est sur tout d'abord 8 Forest, un projet black metal ukrainien qui a sorti son 6e effort studio en toute fin d'année dernière. Un peu comme le précédent, c'est un album qui est sorti en mode coucou, voilà, on démoule un nouveau truc. Voilà, donc en plus sorti quasi 2 ans tout pile après le Hour of the Centaur qui avait vu le jour fin 2020. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, on est sur un pur black ukrainien. C'est froid, c'est rugueux, assez rao et plutôt minimaliste dans l'approche musicale. Et cependant, on est un peu moins sur un truc gros bloc que l'album de 2020 qui s'écoutait presque d'un coup en fait. Tellement il n'y avait pas vraiment de variation d'un titre à l'autre. Voilà, bon, c'était un effort comme un autre à proposer musicalement. C'était déjà un très bon album à l'époque, Hour of the Centaur. Innermost ne l'est pas moins. Toujours une sortie sur label français Osmose Production. Et en doublette, nous aurons les Chypriotes de Arayan Path, groupe d'Epic Power, actif depuis 1997. Et nous voilà, 25-26 ans d'existence pour Arayan Path. Ils ont tout récemment sorti leur 9e effort studio. Un gros morceau, hein, plus de 70 minutes de musique qui raconte un peu leur, vulgairement on pourrait dire leur histoire locale, puisque ça parle bien sûr de l'historique chypriote de bien longtemps avant notre propre histoire. Musicalement on peut intercaler ça proche des gros noms type Blind Guardian ou autre Rhapsody. Un peu moins orchestral, un peu moins pompeux dans le style. Et voilà, Arayan Path, ça s'écoute très bien, c'est très efficace. L'album s'intitule The Third Ways to Tyrants, on s'écoutera le titre The Usurper. Et juste avant ça, 8 Forest avec le morceau Without Silence, c'est parti. We'll be right back. salaminios, ton gartisanton tin polin inapogonos, pefervos ventis embrosten chronis, via tinas stasis, και μετά ταύτα κατελθών με το λίγον των μεταδυναστεύοντα της πόλεως αβδήμονα των τύρσιων εξέβαλε φίλων όντα του Περσών βασιλέως αυτός δε την πόλη κατασχών το μεν πρώτον εβασίλευσε τη Σαλαμίνας. Through. pour la suite, nouvelle doublette dans l'émission de ce soir et doublette de nouveautés dans deux styles totalement différents. Nous aurons tout d'abord les furieux allemands de I Am Revenge, le groupe de hardcore Beatdown. Même si sur ce nouvel EP, on perd un peu le côté Beatdown et on tend du coup vers un hardcore un peu plus travaillé, peut-être un peu plus américanisé, même dans le style. Voilà, le groupe qui nous vient de Hambourg nous propose là un 6 titres pour une quinzaine de minutes. L'EP fait suite à l'album Violencer, déjà sorti en 2018. Voilà, les présentations sont faites avec Harry Revenge, qu'on a eu l'occasion de voir l'été dernier sur la scène du Ripfest. Creeping Disease, c'est le nom de ce nouvel EP, toujours sorti chez Beatdown Hardware. Et ensuite, nous écouterons Die Darkness Shide, groupe de Black qui nous vient de Grèce. Dans l'idée, ça remonte à 1999, la création du groupe, mais la première véritable production studio n'a vu le jour qu'en 2012. Un deuxième album a vu le jour en 2014, différents splits par la suite. Et là, au tout début de cette nouvelle année 2023, ils nous sortent là un troisième effort studio. Au niveau des thématiques, on retrouve le spiritisme, l'occultisme, l'anticosmique satanisme. Tiens, coucou dissection. La formation nous vient de Athènes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Donc forcément, musicalement, on est sur un black assez occulte, intense. Un peu ritualiste forcément sur les bords, avec quelques approches un peu avant-gardistes dans le style, des compos assez longues, riches. Musicalement, on a une bonne heure pour à peu près 9 titres. Un artwork plutôt soigné, si Thibaut était là, il vous en parlerait certainement. Vocalement, également, on retrouve une grande versatilité dans la voix, parce que c'est... De base, un duo, Die Darkness Shade, et ils se partagent tout simplement les parties vocales. Et donc voilà, on est sur un ensemble très dense, très très riche. Et au niveau de la batterie, c'est un cogneur de session, l'allemand Hannes Grossmann, notamment passé par Obscura, Hate Eternal et autres nécrophagistes. Ça vous donne un petit peu le level technique du bonhomme et du groupe. Et voilà, il était déjà présent sur le second album studio. Et ça apporte en fait à l'ensemble du black très très riche de Die Darkness Shade une petite touche tech death qui se marie plutôt bien à l'ensemble. Donc voilà, un session, mais pas que, puisqu'il a apporté sa touche à la compo. World Terror Committee, c'est l'écurie qui nous sort ce Liber Lucifer 2 Mahapralaya. C'est le nom de ce nouvel effort studio de Die Darkness Shade. On s'écoutera le titre Into Eerie Catacombs. Et juste avant ça, Hate Eternal. Eternal 8, pardon, pour le lapsus, la fatigue, signé I Am Revenge, c'est parti. Oh!

Voilà, il est 20h54 à la pendule de Radio Béton et on va attaquer le premier chapitre un peu spécial de l'émission de ce soir. Donc, comme on l'a déjà annoncé au début de l'émission, c'est la 500e de Hellbanger. Cette 500e, on voulait la faire en direct et on voulait la faire un peu spéciale. Et il y a un truc qui nous a marqué ces dernières années dans la musique qu'on vous diffuse, hein, globalement le metal extrême. C'est cette proportion à surtout donner de la parole et de la visibilité aux scènes bien connues, scandinaves, allemandes et bien sûr américaines. Au fil du temps, au fil des diffusions, au fil de nos intérêts, ces scènes-là, on en est un peu revenu et on a commencé à gratter ce qu'un vidéaste que j'adore... bien connu dans la scène, qui s'appelle Maxwell, anciennement Autogaz One TV, appelé la merde. On a commencé à gratter un petit peu dans ce qu'on pouvait trouver dans le plus underground possible, dans le plus extrême possible, et dans l'extrême, donc il y a des trucs vraiment, vraiment crado, et il y a des trucs en fait où c'est du jusqu'au boutisme musical, du jusqu'au boutisme idéologique, et du jusqu'au boutisme en termes de conviction par rapport aux faits, non pas des idéologies politiques, mais de la conviction de vouloir faire de la musique extrême, vraiment revenir à la source de ce qu'était le heavy metal au sens large dans les années 80, et de ce qui a ensuite évolué dans le metal extrême quand le style a voulu se détacher du heavy metal qui commençait à devenir un peu trop populaire au goût de certains, proposer quelque chose de vraiment viscéral et avec les moyens du bord. Vous voyez la glissade arriver, forcément, on s'est tourné vers ces scènes qu'on appelle les scènes du tiers-monde. L'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, certaines zones de l'Europe de l'Est, et l'Afrique subsaharienne, pour ne pas tricher en parlant de l'Afrique du Maghreb, assez marqué par l'occidentalisation, et encore plus l'Afrique du Sud. Du coup, ces scènes vraiment putrides, vraiment viscérales, vraiment sincères, puisque c'est fait avec les moyens du bord, c'est des artistes qui ont des choses à exprimer, des choses profondes, des choses marquées, pas juste le fait d'avoir un contrat avec un label où il faut honorer un album tous les 3 ans, non, c'est des personnes, des hommes, des femmes qui font vraiment avec les moyens du bord et surtout avec les tripes. Et au fil de ces dernières années, ces scènes-là, on les a mises en lumière. On a gratté, Sylvain y a consacré beaucoup de temps et d'énergie, pour vous sortir non pas le meilleur, parce qu'en fait, difficile de dire ce qui est le meilleur dans l'underground, dans l'extrême, mais ce qui nous semblait le plus intéressant artistiquement parlant, parce que c'est avant tout notre recherche et le ressenti qu'on a à écouter et découvrir certains groupes. En parallèle de ça, on n'est pas insensible à la cause de la présence des femmes dans la scène musicale que l'on écoute depuis de nombreuses années, que l'on défend, avec notamment très récemment l'initiation du mouvement More Women on Stage, que les femmes dans la culture musicale qu'on défend ne sont pas bonnes juste à faire le catering, elles ont aussi des choses à le dire, et putain elles le font bien. Voilà, on exit la plastique, exit les paillettes, welcome la brutalité. On en diffuse assez régulièrement, que ce soit dans le black, dans le brutal death, dans le grind, dans le trash, dans le heavy, etc. etc. Enfin, les femmes font au moins aussi bien que les hommes. Et le parallèle se fait avec les groupes artistiques de ce qu'on va appeler un peu vulgairement le tiers-monde. Parce que globalement, ça reste très viscéral. Comme c'est des personnes qu'on a tendance à appeler des minorités, doivent se battre encore plus pour accéder à une forme de reconnaissance qui n'est pas forcément recherchée, mais au moins une forme de visibilité, qu'on leur accorde de la confiance, qu'on leur accorde du crédit dans leur démarche artistique. Donc voilà, plutôt sensible à ces deux causes depuis quelques années. On s'est vraiment intéressé à ça, on s'est on s'est organisé pour diffuser un certain pourcentage, non pas pour rentrer dans des quotas, mais comme on a 2 heures d'émission par semaine, on s'est dit voilà, on a les groupes qu'on a envie de diffuser parce que musicalement ça nous a vraiment emballé, et en même temps on va prendre le temps d'aller chercher, puisque toujours par la difficulté d'accéder à certaines formations, quelles qu'elles soient. On s'est imposé du coup un temps de recherche pour compléter notre émission musicale avec des formations du coup, qui vivent vraiment dans l'ombre. Alors il y en a c'est par volonté, il y en a c'est par contrainte. Et du coup on en arrive à cette petite spéciale ce soir où on a 8 groupes qui nous viennent de Chine, du Chili et d'Afrique subsaharienne, vulgairement ce qu'on appelle l'Afrique noire. Et le premier groupe qu'on va mettre un peu en avant ce soir... Groupe vingtaine d'années, déjà plein de trucs. Et en fait, non, et c'est pas un groupe qui vient juste de débarquer. C'est leur 4e effort studio, ça fait 20 ans qu'ils tapent sur la scène. Un petit power trio qui défonce. Et ils ont tous des grands, avec des gros guillemets, groupe ricain dans le style. C'est ultra violent, c'est un peu tech sur les bords, et surtout c'est hyper bien produit. Alors évidemment, merci les avancées technologiques, merci le numérique, qui aide un petit peu toutes ces formations, avec très peu de moyens, à sortir un peu du lot. Mais vous verrez, avec d'autres groupes qu'on vous présentera tout à l'heure, que c'est pas toujours le numérique qui leur permet d'être visible. Voilà donc, Décrépit de cadavres. On va s'écouter un titre tout de suite pour illustrer un peu le propos. Alors, on en a déjà écouté la semaine dernière du Décrépit Cadaver. Voilà, 9 titres, 25 minutes, et le titre qu'on va s'écouter tout de suite, Unmerciful Recalibration, extrait de l'album Revelations.